plutôt risible. Dans la rue, les gens nous regardaient passer comme si nous sortions d'un dessin animé. Elle pesait 200 kilos en chair et en os. Moi, le quart de sa moitié en plein et en basse. Il y a 10 ans, quand nous nous sommes unis, j'avais un appartement qui était plutôt petit. Mais en ce temps-là, la vie était plus belle. Elle avait encore une grâce de gazelle. Mais plus tard, quand la graisse remplaça la grâce, mon appartement soudain manqua de place. Il y eut d'abord le problème de la porte. Je compris bien vite qu'il ne fallait pas qu'elle sorte. Lorsqu'elle voulait passer, tout le mur risquait de s'écrouler. Quel enfer terrible me faisait-elle endurer. Sous son poids, le lit, dans le sol, s'était encastré. Cela faisait 3 ans qu'elle dormait dans le plancher. Ni chaise, ni fauteuil n'avaient pu la supporter. Je dormais sur mon bureau, seul meuble que j'avais sauvé. Il y avait déjà longtemps que j'étais en faillite. Elle mangeait pour 100, mais attendait la suite. À cette vie-là, je n'aurais pas longtemps résisté. Un matin, n'en pouvant plus, je l'ai assassinée. Ne sachant pas où la mettre dans le frigo, je l'ai enfermée. Et quelques jours après, le froid l'ayant conservée, rouvrant le frigidaire, je croyais vraiment rêver. Elle était plus vivante, plus maigre et